Chapitre 29e. C'était une grande affaire pour Thérèse que d'aller aux courses. C'était son entrée dans le monde, son début dans la vie de plaisir. Car jusqu'à ce jour, elle n'avait rien vu, et ses promenades du dimanche au moulin flottant avaient été ses seules distractions. Si étrange que cela puisse paraître pour un enfant de Paris, le pays du monde où l'on aime peut-être le plus les spectacles, elle n'avait jamais mis les pieds dans un théâtre, empêché qu'elle en avait toujours été par son oncle Soriol. « Je te défends bien de voir ça », avait toujours dit celui-ci lorsqu'il avait parlé de quelques pièces nouvelles, dont elle avait lu le titre sur une affiche ou bien dont elle avait entendu parler. « C'est inepte. La décadence a frappé l'art dramatique, comme tous les autres arts. Assurément, il y aura une rénovation artistique, quand il y aura une révolution politique. Mais en attendant, il faut s'abstenir et ne pas se salir l'esprit de toutes les grossièretés et de toutes les sottises qui encombrent la scène. » Et en attendant la rénovation promise, on s'était abstenu. Antoine, il est vrai, avait quelquefois proposé d'aller à la Gaîté ou à la Porte Saint-Martin, mais Soriol n'avait jamais voulu y consentir. « Je vous ai invité à ne pas lire les journaux que vous achetez tous les jours, attendu qu'ils sont stupides. Vous ne m'avez pas écouté. C'est bien. En réalité, c'est votre affaire. Mais pour Thérèse, c'est différent. Je me suis chargé d'elle. Je veux qu'on me laisse la diriger comme je l'entends. Si elle est en disposition d'émotions dramatiques en ce moment, je lui sacrifierai ma soirée et lui lirai une tragédie de Corneille ou de Voltaire. Il est incontestable que le Cid ou Mahomet constituent ce qu'on appelle une bonne lecture et ne peuvent pas salir l'esprit. Mais ce n'est pas seulement pour entendre de beaux vers qu'on va au théâtre et pour voir ce qui se passe sur la scène. La salle aussi est un spectacle et pour beaucoup de gens, plus curieux que celui que donnent les comédiens. C'est une école où on vient prendre des leçons de plus d'une sorte. Cette école, Thérèse n'en avait jamais franchi la porte, mais l'eût-elle assidûment fréquentée, que cela ne lui eût pas été d'une bien grande utilité en ce moment, car malgré son inexpérience des usages du monde, elle était assez intelligente pour deviner qu'une toilette de théâtre n'est point une toilette de course. Or, c'était cette question de toilette qui la préoccupait et l'embarrassait. Quand le colonel lui avait proposé d'aller aux courses, elle avait accepté sans réfléchir, entraînée par un mouvement spontané. Les courses, quel bonheur! Il n'avait vu que les équipages, les chevaux, la foule, le brouhaha, les toilettes, les grandes dames du beau monde. Mais le colonel parti, la réflexion était arrivée. Alors ses yeux s'étaient détachés du spectacle que son imagination lui montrait, et elle s'était vue elle-même. Quelle figure allait-elle faire au milieu de ces femmes élégantes? Quelle toilette serait la sienne au milieu des toilettes de la mode? Si la réponse à cette question était facile, par contre, elle n'était pas rassurante, car dans sa garde-robe, elle n'avait que deux toilettes, une pour l'hiver, une pour l'été. Si elle avait dû aller aux courses avec son père et avec Michel, elle ne se serait pas inquiétée de cette question de toilette. Le temps seul aurait décidé si elle devait revêtir sa robe sombre ou sa robe claire. Mais avec son cousin, la situation était bien différente. Elle ne voulait pas qu'il fût exposé à rougir d'elle. Sans doute, elle ne pouvait pas avoir la prétention de rivaliser avec les femmes à la mode, mais encore une fois, fallait-il qu'elle ne fût pas ridicule. À cette pensée, elle voulut prévenir son cousin et le prier de renoncer à cette promenade. Mais sous quel prétexte se dégager? Quelle raison donner à son père, qui certainement se moquerait d'elle, si elle avouait la vérité, et à son oncle, qui se promettait, selon son expression, de faire une intéressante étude de l'Anglomanie en France? Serait-elle vraiment ridicule? Elle poussa son verrou et, ouvrant l'armoire où était soigneusement serrée sa toilette d'été, elle étala la robe et le corsage sur deux chaises et plaça sa toque sur la table. Elle n'était vraiment pas mal, cette robe, et la toque était aussi très gentille. En regardant les journaux illustrés, elle avait vu, dans la vie parisienne, une toque qui, jusqu'à un certain point, ressemblait à la sienne. Seulement, elle avait comme ornement une aile d'oiseau en aigrette, tandis que la sienne n'avait rien. Mais peut-être une aile d'oiseau n'était-elle pas très chère? Et avec un peu de goût, on pouvait sans doute la poser soi-même. Dans le journal, la femme qui était coiffée de ce toquet portait ses cheveux sur ses épaules en tresse nattée avec des rubans. Ce dessin avait pour titre « Retour des courses ». On pouvait donc aller aux courses avec une toque de ce genre et les cheveux pendants. Et s'elle essayait pour voir comment elle serait ainsi. Le verrou était poussé, elle se déshabilla, et défaisant ses cheveux qui étaient simplement arrangés en deux grosses torsades, elle les natta et les attacha avec un ruban bleu. Puis, ayant revêtu sa robe habillée et s'étant coiffée de sa toque, elle laissa pendre ses cheveux sur ses épaules. Il lui était difficile de se voir dans le petit miroir dont elle se servait habituellement. Mais en le changeant de place et en l'inclinant plus ou moins, elle parvint à se figurer à peu près ce qu'elle devait être. Alors elle resta assez longtemps les yeux fixés sur son miroir, se souriant à elle-même et se disant qu'il fallait laisser les choses telles qu'elles avaient été décidées. Évidemment, une aile d'oiseau donnerait une toute autre tournure à sa toque. Il lui faudrait aussi des gants frais et des bottines neuves. Elle compta ses économies, elle avait 43 francs. Sans doute ce serait assez, et même il était probable qu'elle pourrait acheter des gants à 2 boutons, ce qui se fait de mieux. Elle irait sans scrupule au bout de son argent. Non, décidément non, elle ne demanderait pas à son cousin de renoncer à cette promenade. Le lendemain, elle fit ses acquisitions et le soir, elle se mit au travail avec activité en chantant doucement. Elle avait 100 choses à faire de ses mains, sa lingerie, un col, des manches à monter. Elle pressait le souper pour se mettre plus tôt à l'ouvrage. Le samedi, Soriol, qui aimait à faire chaque chose posément, en prenant son temps et ses aises, manger posément, parler posément, se fâcha presque de cette hâte. « Ce ne sera bientôt plus la peine de s'asseoir à table, » dit-il. « On ne sait seulement pas ce qu'on mange. »« Thérèse est pressée, » dit Michel d'un ton de reproche. « Mais oui, » répondit-elle en riant. Et sans se fâcher de l'aigreur qu'il y avait dans cette observation, elle prit son aiguille. Mais Michel n'était pas dans des dispositions aussi pacifiques. Il s'approcha d'elle et regardant ce qu'elle faisait. « Je ne vous ai jamais vu pareil empressement à la couture, » dit-il. « Il faut bien que j'aie fini. » Vous êtes donc devenue coquette maintenant. » Elle le regarda un moment, surprise de cette persistance dans la mauvaise humeur, puis baissant les yeux sur son aiguille, « Cela dépend, » dit-elle. Mais elle n'avait pas lâché ce mot qu'elle le regretta et voulut le corriger. « Cela dépend du temps, » dit-elle vivement. « Vous seriez plus franche en disant des personnes, » répliqua-t-il d'une voix sourde. « Déjà la richesse agit sur vous. Ah, Thérèse, je n'aurais jamais cru que vous laisseriez éblouir par la fortune. « Eh bien, qu'avez-vous donc là-bas ? » demanda Antoine. « C'est Michel qui me reproche de me laisser toucher par la fortune de mon cousin Édouard, » répondit Thérèse. « Je crois que Michel se trompe, » dit Antoine. « En tout cas, il ne peut pas reprocher à Édouard d'avoir voulu nous éblouir. Depuis qu'il est près de nous, personne ne s'est aperçu qu'il était riche. Pour mon compte, je craignais certaines propositions. Mais heureusement, il a eu assez de cœur pour nous les épargner. Dimanche, il a dîné avec nous. Lundi, nous dînons avec lui. » Je l'ai traité selon nos habitudes, il nous traitera selon les siennes, rien de plus juste. Le colonel avait promis de venir prendre Soriol et Thérèse à 1 heure. À 12h30, Thérèse était prête. Le dernier coup d'œil qu'elle donna à son miroir amena un sourire sur ses lèvres. Elle était fière de son aile de perdrix, et elle regardait avec satisfaction les 2 boutons de ses gants. À 1h moins quelques minutes, elle entendit une voiture qui s'arrêtait dans la rue. Aussitôt, elle courut à la chambre de son oncle. « Mon oncle, êtes-vous prêt ?» Soriol, qui, du 1er janvier au 31 décembre, portait son éternel habit noir, était toujours prêt. Cependant, ce jour-là, il avait failli se trouver en retard, car il avait voulu faire au colonel l'honneur d'une chemise blanche, d'une barbe fraîche et de mains lavées au savon. Ils descendirent et rencontrèrent le colonel montant l'escalier. Quand ils arrivèrent à la porte de la rue, ils trouvèrent des enfants et des femmes qui entouraient la voiture du colonel. Cette calèche brune, à roues grises, rechampie de brun, attelée de 2 grands chevaux aux harnais brillants, avait fait sensation dans la rue de Charonne. Quand Thérèse s'assit sur les coussins en soie gris d'argent, elle fut moins fière de son aigrette et se demanda avec une certaine inquiétude si sa toilette simple n'était pas en désaccord avec cette belle voiture. Mais les chevaux partirent et cette inquiétude s'envola. Elle fut toute à la joie de se sentir entraînée rapidement et doucement. Ce sentiment dura tant qu'il fut rue de Rivoli, mais sur la place de la Concorde, l'inquiétude lui revint. À ce moment même arrivait par le pont un équipage à la Daumont. Les jockeys en veste de satin cerise étaient coiffés de toques de velours bleu, recouvrant à demi leurs perruques poudrées. Les chevaux, libres dans leurs harnais, portaient sur leur tête des fleurs naturelles qui se perdaient dans des flots de rubans bleus et cerises. Dans cette voiture se tenait à demi renversée une femme seule, en toilette bleu-bleuet, d'une fraîcheur printanière. En même temps, mais du côté opposé, c'est-à-dire par la rue Royale, débouchait une victoria dans laquelle se montrait une femme tout en rose, chapeau rose, gilet rose, casaque rose, jupe rose. La voiture s'engagea dans les Champs-Élysées et les équipages qu'elle suivit ou dépassa devinrent de plus en plus nombreux. Sur le siège d'un four in hand, un gentleman, un camélia blanc à la boutonnière, conduisait gravement ses chevaux qui piaffaient. Puis venaient des demi-daumonts, des coupés, des clarences, des phaétons, tout ce que la carrosserie a su inventer. Et dans ces équipages, on voyait des femmes jeunes, vieilles, jolies, laides, mais toutes en toilettes éblouissantes, les unes par leur luxe, les autres par l'éclat des couleurs. En arrivant à l'Arc de Triomphe, l'inquiétude de Thérèse était devenue de l'angoisse. Elle n'était plus fière de son aile d'oiseau et se faisait petite, dans le coin de la calèche, heureuse, si elle avait pu se cacher et disparaître entièrement.